Camille Collère. 31e épisode. Un couple classique. Bon, avec Paul, je dirais qu'on est un couple assez classique quand même. On est ensemble depuis 12 ans, on a 4 enfants, on est mariés, on habite en banlieue, on bosse tous les deux, on s'occupe des enfants le week-end, des fois on s'engueule, enfin la vie normale quoi. Mais quand je déjeune avec mes copines de boulot, des fois, j'ai l'impression d'être un ovni. Et les filles, je me demande si la nouvelle de la compta, elle fricoterait pas un peu avec Jean-Paul. Laquelle, la blonde? Nathalie hein? Oh bah c'est sûr, je les ai vues s'embrasser dans la rue l'autre jour. Ah, ah bon oh bah, ça alors pour pas s'être hallucinée, Brigitte, en même temps, qui n'a pas couché avec Jean-Paul dans la boîte. Hein, Julie? Ah, ça c'est clair. Chaud lapin, Jean-Paul. Ça dit, pas mal conservé pour son âge. Hein. Tu m'étonnes. Non, tu trouves pas, Brigitte? Bah, je sais pas, mais... Attendez, là, vous avez couché avec lui? Bah oui. Bah. Pas toi? Bah non. C'est pas vrai. Oh, tu te connes, là. T'es incroyable. Mais ça va, vous dites ça comme si je vous annonçais un truc pas possible. Il y a un peu de ça, quand même. Bah, excusez-moi, me regardez pas comme ça. Je suis pas la seule, non plus. Bah si, clairement. Bon, alors, je dois être hyper classique ou hyper coincée, alors, mais j'assume. Je suis la seule à ne pas avoir couché avec Jean-Paul. Non, mais là, je tombe des nues, tu vois. C'est trop. Et en même temps, je suis un petit peu mariée avec Paul depuis 15 ans. On a 4 gamins, donc ça me paraît pas extravagant non plus. Non, mais attends. En fait, t'as jamais trompé ton mari, c'est ça? Bah, c'est un peu perso comme question, mais non. Jamais? Jamais? Mais non. Ah ouais, quand même. Eh ben ça, attends. Ça c'est pas classique pour le coup. Mais attends, même pas une fois? Même pas une petite escapade? Mais non, désolée, même pas une petite escapade. Mais franchement, déjà, si je voulais tromper Paul, faudrait que je m'organise avec la babysitter. Parce que ma semaine, c'est un peu la course. Hein. Vu que tous les soirs, je dois récupérer les enfants. Et puis avec toutes leurs activités, Anatole a guitare le mardi, Octave c'est orthophoniste le jeudi. Clémentine a quand même 2 entraînements d'escrime par semaine. Non, mais attends, t'es trop. En gros, tu trompes pas ton mec parce que t'as pas le temps. Mais, tu m'éclates, Birgit. Mais n'importe quoi, c'est parce que j'ai dit que... Et Paul, il fait quoi pendant que tu cours partout? Bah, il bosse, il a vachement de boulot, Paul. Ouais. Non, mais arrête, non. Karine, j'en sais rien, je suis pas derrière lui, elle surveille toute la journée, on se partage les tâches. Il accompagne les enfants le matin, moi j'assure le soir. Et vous êtes marrantes, les filles, on verra quand vous aurez des gosses. Bon, allez, on y va, là, parce qu'il faut que je parte plus tôt. Aujourd'hui, j'ai emmené Léonard chez le pédiatre. Ah, bah oui. Non mais c'est vrai, des fois ça m'agace, ces conversations de filles, comme si tout le monde trompait son mari ou sa femme. C'est ça un couple classique. Avec Paul, de toute façon, on a une relation de couple basée sur la confiance. Et puis la jalousie, ça mène nulle part. Eh ben c'était sympa ce dîner. Si on coupe Lisa et Marc, c'est vraiment un couple étonnant. Et comment ça, étonnant? Bah je sais pas, ils sont pas classiques quoi. Pas classiques parce que nous on l'est? Oui, bah, un peu plus quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas. Bah, par exemple, c'est Marc qui a un temps partiel pour s'occuper des enfants, et Isa qui fait le tour du monde pour son boulot. Et t'en conclus quoi? Bah, rien, rien, j'en conclus rien, je dis juste que c'est pas classique, c'est tout. Parce qu'un couple classique, c'est une femme à temps partiel? Non, mais j'ai pas dit ça, oh là là, tu m'as l'air un petit peu, hein? Bon, on va pas se prendre la tête. On a passé une super soirée, non? En plus, le dîner était top, elle cuisine hyper bien, Isa. Ouais, je trouvais ça un peu gras, hein. Ah bon? Moi, j'ai pas trouvé. Mais... En tout cas, je sais pas comment elle trouve le temps de faire des trucs pareils avec le boulot qu'elle a. Elle est incroyable, cette fille. C'était passionnant ce qu'elle racontait sur Hong Kong, non? Hein? Non, ouais. Enfin, je sais pas. Bah attends, tu te rends compte, le boulot qu'elle a, cette nana, c'est quand même pas rien. C'est... Quand même, c'est pas rien. Ça m'énerve quand tu parles comme ça. Quand je parle comment? Non, mais t'es là en extase devant Isa. Ouais, bon, bah, elle analyse des chiffres, super. Elle part à Hong Kong, ça va, hein. Toi, t'es en face, la langue pendante, tout ça parce qu'elle te raconte qu'elle a bouffé des nems à Hong Kong. Brigitte, qu'est-ce qui te prend là? Non, rien. Je suis juste un peu fatiguée de ma journée. Au cas où ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Mais attends. Qu'est-ce que t'as fait pour être sur les nerfs comme ça, ma puce? Bah, que du très classique, hein. Le boulot, le pédiatre, les gosses, les devoirs. C'est sûr que j'ai pas fait un aller-retour sur Hong Kong. C'est nettement moins passionnant que la vie d'Isa. Bon. Oh, et comment on vit à Hong Kong, Isa? Oh, mais Isa, mais quel dîner c'est... Et en plus, tu trouves le temps d'aller courir le week-end? Mais t'es incroyable. Attends, mais t'es trop forte, Isa. Mais t'es jalouse ou je rêve? Alors là... Pas du tout. Mais c'est un peu facile d'épater toute la galerie comme ça. Hein. Et en attendant, qui est-ce qui se tape la visite chez le pédiatre? Oh non, mais là, tu mélanges tout. Absolument pas. Alors, je te le dis tout de suite, hein, c'est bon. Le côté couple classique, je me tape les gosses le soir pendant que tu fais je sais pas quoi pour entendre que l'autre conne, elle est quand même formidable à Hong Kong, c'est bon. Non, mais ça va pas bien, là, Brigitte. Alors, voilà, Paul Tornade. Révolution chez Coupe Classique, je t'annonce qu'à partir de demain, c'est toi qui assures la soirée du jeudi avec les enfants. Vive à la révolution ! Tu vas devenir un type étonnant, tu vas voir. Pas classique pour un sou. Donc, alors, 18h, orthophoniste avec Octave. T'as juste le temps de courir avec Léona, Anatole et Clémentine jusqu'au club d'escrime. Paf, tu repars chercher Octave. Faut juste pas que tu souffles, sinon t'es mort dans le timing. Tu vas voir, c'est hyper classique. Bon, bah ça va, calme-toi, je vais m'organiser. Ouais, bah vas-y, organise-toi. Organise-toi bien surtout, c'est la clé de tout. Voilà, au bout du compte, je sais pas si je suis dans la norme, mais en tout cas, je me suis libéré un créneau le jeudi soir pour voir des copines, traîner au boulot, ou pourquoi pas, tromper mon mari. On verra jusqu'où me pousse mon classicisme. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Collère, avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Brigitte Faure, Bénédicte Cerruti, Anna et Samuel Cajman et la voix de Pierre Carbonnier. Bruitage Bertrand Amiette. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Cédric Cossier.